des hommes avec eux, et voyez là-dedans qui cause cette tapage. C'est notre petit temps, c'est pas celle, c'est notre petit temps, c'est pas celle, c'est notre petit temps, pas du tout, elle est montée. Éloignez-moi toutes ces femmes-là. Monsieur, monsieur, monsieur.